Ok, ok, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Oui, ouais, c'est mieux là. Donc voilà, donc je me présente, Chad MC. Je suis chargé donc de faire le gospel recensement. Donc certains noms sont référencés sur cette première feuille. Donc il y a 1, 2, 3 feuilles. Donc on va commencer par la première, hein, d'accord. Donc bien évidemment, la procédure est simple. Lorsque je cite votre nom, vous avez juste à lever la main de là où vous êtes. Oh non, vous déplacez pas. Non, ça sert à rien. Ok, juste de là où vous êtes, levez la main. Et normalement, tout devrait bien se passer. N'oubliez pas que là, donc tous les noms ne figurent pas sur la première feuille. Et qu'il y en a certains qui seront simplement sur la seconde. Donc ok, c'est parti pour la première feuille. C'est bon. Ok, c'est... On sa place, I'm A.I.T. Patterson, Bettina, Blood Cause, Baby Pete, C.J. Man, Carrie Young, les envois, DJ Smoothleth, DJ Nice, Dièse de Move, Eden Set, Emily Esther, okay. Oh, ok, elle sexy, c'est l'heure du gospel, recensement, à l'entendre de votre nom, levez les bras bien haut, c'est l'heure du gospel, recensement, du go. Recensement, c'est l'heure du gospel. Recensement, à l'entendre de votre nom, levez les bras bien haut. C'est l'heure du gospel. Recensement, du go-go gospel. Recensement, fils du boss, Fab Francesca, génération gospel, génération Kamemba, Godly, Ginny, Gabi Man, Genesis, Gwendy, Jean-Marc Renaud, Kevin, Kenny, Brian, Casamelo, Léa, Leroy, leader vocal, LSD, Mouna, Mina, Medji, Manu, Martin Carrière, Messages, New Gospel Family, LCC, One for God, Precious, PDG, Pierrot, Patrick, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Recensement, à l'entendre de votre nom, levez les bras bien haut. C'est l'heure du gospel. Recensement, du go go gospel. Recensement, c'est l'heure du gospel. Recensement, à l'entendre de votre nom, levez les bras bien haut. C'est l'heure du gospel. Recensement, du go go gospel. Recensement. Réma, F.E.A, Rosta, Rachel, Seven, Steve, Soupa, Sentinelle, Sweet Vibe, Total Praise. Worship Trio, Book Will Love, Welcome Shout. Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, voici devant toi. Voici devant toi. Recensement, à l'entendre de votre nom, levez les bras bien haut. C'est l'heure du gospel. Mais qui est présent? Du gospel. Recensement, c'est l'heure du gospel, yeah. C'est l'heure du gospel, gospel. C'est l'heure du gospel, gospel. C'est l'heure du gospel, gospel. C'est l'heure du gospel, gospel. C'est l'heure du gospel, gospel. C'est l'heure du gospel, gospel. C'est l'heure du gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, gospel, Mr. S-H-A-D, M-C. En combat pour le Seigneur, j'espère au sens. Yeah, sweet vibe, c'est. C'est la du gospel. Ouais, c'est la du gospel.